Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Nous avons appris dernièrement que le projet de reboot de Boba Fett a été lancé. Il semble que Lucasfilm ait confié le projet à James Mangold, donc le réalisateur de Logan. Déjà, c'est une bonne nouvelle parce que Logan en avait bien aimé. Je sais pas pour toi, mais j'ai trouvé ça très bien. L'un des meilleurs X-Men, en fait, Logan. Bah, si vous revenez sur la petite rétrospective qu'on avait fait sur l'année de 2017, pour nous, c'était le meilleur film de 2017. C'était donc, le top 1, je crois. Le top 1 de 2017. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. En même temps, il faut savoir que James Mangold avait signé aussi le combat de l'immortel, donc le deuxième Wolverine, meilleur que le premier mais largement moins bon que le Logan. Puis là donc on sait pas très bien où va se situer la période pour Boba Fett, mais on va parler un petit peu du personnage parce que dans la trilogie il est un peu anecdotique, c'est-à-dire qu'on l'aperçoit au détour de 2-3 scènes. Puis dans l'épisode 5 avec Vador, c'est lui qui récupère Han Solo pour l'apporter à Jabba. C'est un chasseur de primes mandalorien d'ailleurs. Et dans l'épisode 3, il finit dans la bouche du Sarlacc. D'ailleurs, une scène un peu comique où il y a Han est rendu aveugle et par hasard, il donne un coup sur le jetpack de Boba Fett, ce qui le précipite dans la bouche énorme du Sarlacc avec les tentacules. On sait que dans l'univers légende, il survit à cette chute et il arrive à s'extirper de 1000 ans, je veux dire, de digestion, comme Jabba l'avait dit. Donc ça, c'est un peu l'univers légende, mais c'est plus tellement canon. Par la suite, dans la prélogie, on apprend que Boba Fett est en fait un clone plus jeune de Jango Fett, qui est lui-même chasseur de primes. Et le Jango l'élève un peu comme son fils. Physiquement, il est pareil. Il jure de se venger de Mace Windu, en fait, qui a décapité son père, quoi. Et puis, on le voit aussi. Moi, j'ai pas suivi Rebels, mais il apparaît plusieurs fois, apparemment, dans Clone Wars et dans Rebels. Donc voilà, qu'est-ce qui t'inspire ce nouveau spin-off sur Boba Fett ? D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du personnage ? Son espèce d'aura qu'il a auprès des fans, justement. Moi, je trouve que Boba Fett mérite mieux qu'une fin à la Slipknot, c'est-à-dire bouffé par un Sarlacc arrivé connement. Donc c'est sûr que pourquoi pas. Hein. Après, il n'y a pas vraiment d'historique connu de la part du grand public de Boba Fett. Donc du coup, ça pourrait nous permettre d'avoir quelques bonnes ou mauvaises surprises. Ça va dépendre vraiment des réalisateurs. Le personnage est quand même intéressant, surtout dans l'univers légende. Il est vraiment vraiment bien traité. Il mérite mieux. Il mérite mieux que sa fin pathétique dans le troisième Star Wars, c'est sûr. Dans l'univers légende, c'est vrai qu'il est plus développé. Et on ne sait pas pourquoi en fait. Il a comme ça cette aura, c'est peut-être parce que il a une dégaine particulière avec ce jetpack, cette espèce de casque qui rappelle le homme des chevaliers en fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait Boba Fett, il a commencé étonnamment dans un dessin animé qui était diffusé dans le Star Wars Holiday Special, donc ce très mauvais téléfilm qui était sorti à l'occasion de Noël après Star Wars et que George Lucas renie et qui a juré devant Dieu de brûler toutes les copies. Alors je sais pas si tu avais vu ce téléfilm de Noël, mais est-ce que tu en as entendu parler au moins? Je l'ai même vu, parce que il y a eu une session faite par Frédéric Molas, le joueur du grenier, sur Star Wars Holiday Special. Donc du coup, par curiosité, moi j'avais regardé. C'était une souffrance, quoi. C'est surtout une souffrance de voir ces acteurs se cabotiner à mort. Je pense que Marc Hamill, qui a le faciès figé parce que justement il venait d'avoir un accident de voiture, donc il avait une chirurgie qui l'empêchait d'être expressif. Harrison Ford, il est égal à lui-même. Chewbacca, on découvre la famille de Chewbacca. Pendant une heure et demie parler la famille de Chewbacca, c'est vrai que c'était très pénible. Et les gamins et les petits Wookiees, ils sont bien gentils, mais il aurait fallu des traductions, quoi. Il se passe rien là-dedans, surtout. Non, il se passe rien. C'est un épisode qui se déroule sur Kashyyyk. C'est d'ailleurs là où on a un premier aperçu de Kashyyyk, la planète des Wookiees. Il y a aussi Carrie Fisher, donc la princesse Leia, qui nous entonne une belle chanson, quoi, à la fin. C'est vrai que ça fait plus parodie de Star Wars que véritable ensuite, quoi, que véritable spin-off, quoi. Ouais, même le film avec les Ewoks qui était passé après, il était quand même mieux réalisé que ça, c'est pour vous dire. C'est vrai qu'on, si on parle un peu des spin-offs, il y a aussi ce doublé des Ewoks, là, un peu opportuniste, on va dire quand même beaucoup, pour vendre beaucoup de jouets. Lucasfilm, il faut quand même qu'ils vendent des jouets. Et puis les Ewoks, c'était un gros argument commercial du sixième, ça se vaut. Mais c'est vrai que, c'est du divertissement pour enfants, mais c'est vrai que c'est de meilleure qualité que ce pitoyable Star Wars Holiday Special, quoi. Ah, c'est sûr, et pourtant c'est pas de très bonne qualité non plus, hein, le truc des Ewoks. Mais alors ce Star Wars The Least Special, bah, on comprend pas qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi il est là, l'histoire qui est racontée, bah, y a pas d'histoire en fait. Hein, ouais, on sait pas ce que ça fout là. C'est un ovni dans l'univers Star Wars ce truc. C'est d'autant plus un ovni vu que maintenant il y a aucun DVD, aucun Blu-ray qui va le ressortir. Et donc c'est un collector dans le sens que tu peux l'avoir qu'en version VHS, bah, pas terrible quoi, parce qu'il y a aucune copie qui est clean. Je veux dire, il y a une copie française qui existe, parce que ça a été passé sur les chaînes françaises aussi, sur la 1, je crois. Et il y a une copie aussi américaine, mais ils sont tous les deux quand même assez catastrophiques. C'est-à-dire que l'image est granuleuse, on va dire. Le truc, ça se passe sous le manteau, quoi, quelque part. Ah oui, c'est pas un... Vous le verrez pas voilà, à la Fnac ou... Il y aura pas de... Il y aura pas de version HD ou 4K, quoi. Voilà, c'est pas la peine de le chercher en 4K ou en remasterisé, vous ne l'aurez pas. Celui-là, il va pas être retourné, je pense, l'épisode. Il n'y aura pas de reboot. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur notre ami Boba Fett. Bon, on attend quand même les premières photos et les premiers indices sur l'histoire pour nous indiquer déjà la période où ça se passera. Je pense que on aura, comme dans les autres spin-offs, ce sera entre les épisodes 3 et 4. Donc, bien avant le contrat avec Jabba, peut-être. Ouais, moi, je vais juste conclure sur le fait que, voilà, Rogue One, on est sorti de l'univers des Jedi, etc. Ça a bien marché. Han Solo, y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, mais moi, j'ai adoré. Et encore, ça sortait de l'univers des Jedi, etc. Et à Boba Fett, il y a moyen aussi de sortir de l'univers des Jedi et etc. Et ouais, je pense qu'il y a matière à avoir une réussite pour un personnage qui est à la fois connu, super connu des fans dans l'univers étendu et pas connu du grand public aussi. Faut rappeler que Boba Fett, pour un petit aparté, c'est que ils avaient l'intention de faire une série qui s'appelait Underworld, où justement Boba Fett était le héros principal. Bon, cette série est annulée parce que il y a eu le rachat de Disney entre deux et Disney a pas voulu reprendre le projet. Mais c'est peut-être ça qu'on va retrouver là-dedans, c'est-à-dire que on va découvrir les Boba Fett et tous les chasseurs de primes qu'on a vu dans les autres films et aussi cette espèce d'organisation que un Star Wars on peut dire souterrain où ça va être un peu plus sombre. Et par contre, pour revenir sur Han Solo, ben on est en deuxième semaine d'exploitation et il paraît qu'au niveau du box office, ben il se casse la gueule quoi, parce que il a très mauvais écho. Il y a beaucoup de fanboys qui ont pas du tout aimé le film, les mêmes qui ont adoré le 8, hein, je suis désolé, on en revient toujours au même débat, mais moi je reste sur ma position. Le Han Solo est bien meilleur que l'épisode 8 quoi. Alors, je propose aussi de faire une pastille sur le film Tomb Raider, donc les aventures de Lara Croft, hein, qu'on a vu récemment, donc un petit peu tard par rapport à la projection qui avait lieu le 14 mars. Donc je propose de faire une petite pastille là-dessus et que tu nous remémores un petit peu donc les origines de Lara Croft, héroïne du film Tomb Raider. Donc Lara Croft, c'est une héroïne de jeux vidéo, donc devenue culte au fur et à mesure des années. Elle est apparue en 1996, a été créée par Toby Gard, et le jeu était développé par Core Design en fait, et par la compagnie Eidos Interactive. Alors c'est une héroïne qui a connu deux films, aussi pas mal de romans et aussi de comics chez Dark Horse, où elle faisait des crossovers avec Witchblade. Je sais pas si tu connais un petit peu ce personnage, non ? C'est dessiné par Andy Park, qui est un dessin et un illustrateur reconnu. Mais on va un petit peu parler, si tu veux bien, des deux premières adaptations, c'est-à-dire qu'il y a eu le film Tomb Raider en 2001 de Simon West avec Angelina Jolie, et aussi on avait Daniel Craig dans un petit rôle. J'ai quelques souvenirs de ce film, donc je l'avais vu, je l'avais pas vu en salle, hein. Je l'ai vu quand il est passé en audiovisuel classique, hein, c'est-à-dire à la télévision. Ouais, c'était un film divertissant, sans plus. Malheureusement, comme je connais pas l'univers de Lara Croft, j'avais pas de point de comparaison avec les jeux vidéo, mais c'est vrai que bon, voilà, on mettait une femme forte dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire forte en caractère et forte en poitrine devant l'écran, et puis voilà, un film d'aventure à la Indiana Jones un peu fauché quoi. Ouais, moi ça m'a rappelé un petit peu ces films à la Benjamin Gates, je sais pas si tu te souviens, avec Nicolas Cage ou Alan Quaterman, enfin tous les espèces de ersatz de Indiana Jones, hein, l'aventurier qui arrive sur une île perdue avec plein de pièges. Moi j'ai pas trouvé ça non plus exceptionnel, hein. Moi je me mets un petit peu dans la série B d'aventure. Il y avait une suite en 2003 qui s'appelle Le Berceau de la Vie de Yann Devont. Là, on retrouve un peu Angelina Jolie dans le rôle, elle revient. Faut préciser que dans le film, bah, Angelina Jolie, c'est quand même pas mal investi parce que elle a fait toutes ses cascades. Donc, faut quand même reconnaître que bon, c'est pas mal pour une actrice. Et là, bah, on arrive tout doucement, je vais dire, à la version de 2018, avec entre deux des designs de Lara Croft qui sont un peu un peu plus édulcorée que par rapport à l'héroïne à forte poitrine, comme tu disais tout à l'heure. Et là, on a plus une héroïne un peu plus sportive, athlétique. Et donc, bah, je te laisse commencer pour cette version 2018, quoi, qui est signée Ruar Haute-Untoff, auquel nom. On retrouve donc une Lara Croft vraiment jeune, qui est jouée par Alicia Vikander. Et elle est opposée à une organisation qui s'appelle la Trinité. Donc ce film de 2018, en fait, c'est un reboot de la licence. Mmh. Au niveau des jeux vidéo, il se cale en fait sur l'enfance de Lara Croft, plutôt l'adolescence de Lara Croft, hein, parce que l'enfance, ça remonte un peu trop. Et donc, ouais, c'est une Lara Croft en devenir, c'est-à-dire qui est très athlétique, mais pas encore surentraînée comme les Lara Croft qu'on pouvait voir avec Angelina Jolie, qui était vraiment surentraînée à la limite d'un G.I. Joe, quoi. Ouais, c'est ça, il y a l'esprit G.I. Joe, l'esprit poseur, je dirais, pour Angelina Jolie. Là, c'est une Lara Croft qui est quand même moins sûre d'elle. Il y a un combat, d'ailleurs, qu'elle perd au début. Il y a la course à vélo qui est complètement catastrophique. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que hyper sympa, mais ils s'embêtent pas avec la peinture qu'ils vont mettre à travers toute la ville. Donc ça, c'est un petit détail. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est un peu chanceuse hein, quand même dans ses aventures, faut avouer. Ouais, puis il y a des trucs choquants aussi dans ses aventures. On y reviendra peut-être. Là, on va peut-être parler du physique qui se rapproche plus d'une athlète en devenir que d'une bimbo qui faisait Angelina Jolie. Hein, ça faisait bimbo pin-up, aventurière, pin-up. C'est vrai. Donc une femme d'action quand même parce que on voit qu'elle s'entraîne au combat et qu'elle n'est pas forcément la plus forte dans ce qu'elle fait. Mmh. Ouais, cette histoire de poursuite en vélo, c'était assez drôle aussi, mais... Ouais. Tu l'enlèves du scénario, ça passe aussi. Hein. Il n'y a pas trop de misère là-dessus. Le personnage est quand même... ils ont essayé de le travailler un peu, mais il y a quelques passages qui m'ont un peu fait tiquer au niveau du personnage. Le refus de la fortune, des trucs comme ça. En fait, il y a beaucoup de clichés, je trouve, dans ce film. Et c'est un peu le problème. C'est comme... je sais pas si on va spoiler, on va faire peut-être une partie spoiler après. Moi, il y a des trucs que j'ai vu arriver de loin et il y a beaucoup de passages qu'on devine parce qu'on est peut-être habitué à voir ce genre de film d'aventure avec les épreuves que moi j'ai pas trouvé très variées d'ailleurs à aucun moment j'ai ressenti aucun danger pour le personnage quoi. Par contre j'ai bien aimé l'interprétation de Alicia Vikander, je trouve que elle est bien, elle est pas excessive dans ce qu'elle joue, elle est très juste dans son rôle en fait. Ouais, ça fait un peu éviter le syndrome femme fatale hein, qui était le cas avec Angelina Jolie. Plus crédible au niveau de ce qui lui arrive, avec des gros guillemets alors. Hein. Et moi je trouvais que dans son interprétation, c'était pas spécialement choquant. Je veux bien qu'elle est jeune, Alicia Vikander, mais elle est plus crédible que les deux personnes qui ont tourné dans Valérian par exemple. Il y avait Delvine et Dan DeHaan. Ouais. Par exemple, ils étaient jeunes et pas crédibles, tandis que là, dans son rôle, elle est jeune et crédible. Ouais, c'est ça. Il y a une certaine fraîcheur dans le personnage. Bon, moi, dans l'ensemble, je vais pas dire que je me suis ennuyé, mais j'ai trouvé que c'était assez plat et que ça manquait un peu d'envergure quoi des fois. Et puis comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment le cheminement de l'aventurier. C'est le méchant qui revient, enfin le méchant. Elle croise l'aventurier, le conducteur du bateau qui est. D'ailleurs, une poursuite assez amusante sur le port là. Je sais pas si tu te souviens avec ces trois asiatiques là. Et je trouvais que c'était une belle scène, une scène assez réussie. Et tu t'attends quand même à certains retours quoi quelque part. L'histoire avec son père aussi quoi quelque part ça relance. J'ai un peu peur de spoiler mais dans le scénario tout y est fait que pour que ce que tu te penses toi ça va arriver quoi finalement. En fait, c'est un scénario de jeu vidéo, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à des grands twists. Quand on est pris dans le scénario, l'action passe quand même assez vite. Mais on se dit, c'est du jeu vidéo. Quoi. Tout ce qui lui arrive, c'est typique jeu vidéo. Il y a un cadrage, il y a vraiment un cadrage. Parce qu'il y a des adaptations de jeux vidéo qui sont quand même catastrophiques. Il faut avouer que si on parle de Mortal Kombat ou de Street Fighter ou des trucs de jeux vidéo, les Tomb Raider avant aussi, qui étaient plein de quichetons, il faut le dire. Mais celui-là, je trouve qu'il est parmi les plus adaptations, plus réussi parce qu'on peut parler aussi de Super Mario Bros. Dans les catalogues avec des personnages style. Il y a aussi Max Payne avec Mark Wahlberg, mais on rentre dans le jeu vidéo purement jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'effets à l'écran. Et là, je trouvais que la mise en scène était un petit peu plus sobre. Il y avait moins d'effets. Il y a quand même une belle scène avec un avion au bord d'une chute qui est dans le trailer. Donc là, on spoil pas. Ouais, c'est ça. En fait, on spoil pas. Mais je trouve qu'elle était pas trop mal celle-là. Bon, je pense qu'on peut peut-être attaquer avec une partie spoil. Ouais, alors ça nous permettra un peu de développer un d'aller peu. au-delà, ouais, parce que là, Ouais. sinon ça va rester très Ouais, sombre. c'est vrai que bah écoute, moi ce que je dirais c'est que dans tous les clichetons et les arcs scénaristiques, bah moi je m'attendais au retour du pêcheur, du comment on dit le capitaine du bateau. Je me suis attendu aussi à ce qu'elle croise son père. Ça, je m'y attendais absolument. Et puis j'ai vu arriver de loin l'espèce de gouvernante là, tu sais, au début qui fait signer les papiers. Et elle, je me suis dit, ah, il y a un truc louche, elle va faire partie obligatoirement, ça va être elle qui va à la tête de l'organisation, et ça a pas raté, quoi, en fait. Et après, même dans le fil scénaristique, on s'y attend complètement, hein. C'est-à-dire les échecs au début, elle s'accomplit, et à la fin, voilà, c'est la personne sur qui on peut compter. Tu vois, l'évolution du personnage, passer de quand même badass, mais pas la meilleure, à ouais, la meilleure, quoi, après, tu vois, Ouais. en un film seulement, quoi. The Besties, mais puis il y a aussi le cliché avec le clin d'œil avec les doubles flingues à la fin, quoi. Ah bah mais ça, Bah c'est du oui. fan service, hein, Ouais, littéralement, hein. ça c'est le gros fan service. Pas la Star Wars, attention, hein. Mais il y a un peu de fan service aussi dans ce film. Au niveau des séances de combat, bah les épreuves, à part la porte qui s'ouvre avec les espèces de pots qui tournent, bon, ça j'ai trouvé ça original. On va piocher du Indiana Jones, c'est-à-dire qu'il y a les dalles qui se cassent la gueule, t'as le saut de la foi à un moment, t'as aussi l'ultime épreuve, parce qu'elle doit aller tomber la elle doit trouver la tombe de la reine Himiko qui contient en fait une espèce de virus mortel. Alors qu'on croit qu'on va encore avoir une espèce d'esprit qui va s'éveiller, tu sais, un peu comme dans les Indiana Jones. Ça tangue entre le je pompe et j'essaye de montrer le moins possible que je fais d'original, quoi, que je fais pas dans l'originalité, tu vois. Et moi, j'ai eu l'impression de regarder un jeu vidéo live action, en fait. C'est-à-dire Avec quoi? que live action, c'est-à-dire Ah ouais. que c'est des jeux vidéo où on choisit ce que le personnage va faire, puis le scénario se déroule en fonction des choix que t'as Ouais. fait. Mais j'ai eu l'impression de voir ça, hein. C'est-à-dire que c'était super convenu, hein. C'est-à-dire tel passage qui va l'amener à tel passage. Voilà, elle se fait arrêter, donc du coup, elle va accepter l'héritage, et puis elle va trouver un truc dans l'héritage où elle va après trouver la crypte de son père, etc. Après, dans l'île, elle va retrouver son père qui lui permet d'accéder au niveau suivant, hein, tout C'est simplement, à la ça. tombe d'Himiko, etc. Voilà, c'est quelque chose de super convenu dans le scénario, mais vraiment, ça m'a vraiment fait penser à un jeu vidéo en live, en fait. Bon, je pense qu'on a fait le tour du truc, à moins que tu veux dire quelque chose. Bah, à part les clichés, quoi. Bon, donc le Ouais. méchant qui a une gueule de méchant. Oui, en plus, ouais, le seul problème, c'est Walton Goggins, c'est que lui, dès qu'il est dans un film, ben, ah, c'est le vilain, quoi. Puis quelques trucs qui m'ont un peu plus titillé l'esprit, comme apparemment n'importe quel pêcheur chinois alcoolique sait utiliser un fusil d'assaut. Donc voilà, tous des trucs comme ça qui m'ont C'est fait un vrai peu rigoler. que le passage où il délivre tous ces espèces d'esclaves là, qui bon il est on voit qu'il les bute, l'autre il les bute sans sourciller. Ils sont quand même une trentaine les mecs contre 5 soldats. Bon ben là, le rapport de force est vite fait, quoi, pour moi. Ouais, puis la fin, voilà, l'hélicoptère y arrive. Il venait de l'île de Jurassic Park juste avant, donc. Jurassic World, ouais. Il y Puis. avait Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dedans, mais bon. Ouais, c'était assez risible, hein, de la manière dont Ouais. ça se déroule à la Bon, fin, hélicoptère qui voilà. déboule comme par hasard, Bon, quoi. comme par hasard, les Ouais. bateaux, ils s'échouent, les avions, ils s'écrasent. Ouais. Ben, l'hélicoptère à la fin, c'est nickel, ça passe, quoi. Ouais. Donc voilà, bon, c'était. Sinon, c'était divertissant. Je dis pas que c'est un mauvais film, hein, mais c'est pas un super film non plus, Ouais, moi je hein. le conseillerais pas parce que de toute façon, c'est assez plat, quoi, finalement. Bah, c'est un scénario convenu, bah, Ouais. les effets par contre sont bien divertissants. Donc, Ouais. moi ça m'a pas choqué. Je veux dire, Ouais, quand j'ai vu le film, ça m'a pas choqué plus que ça. il y a une espèce de dépaysement quand on va d'un pays à l'autre, par exemple. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça fait déjà vu, quoi. Ah oui, il n'y a rien de nouveau. Oh. Là, dans le film, il n'y a strictement rien de nouveau. Il n'y a pas quelque chose qui va nous faire dire, tiens, c'est bien, ça c'est du jamais vu. Non, c'est convenu, hein. Que ce soit du scénario, l'évolution du personnage, ce qui leur arrive et comment ils résolvent les problèmes, voilà, tout y est convenu, hein, ça c'est sûr. On voit tout arriver de loin. Ouais, c'est clair qu'il faut mettre son cerveau sur pause à ce moment-là. Il faut aller le voir juste pour voir un spectacle, hein. Ouais. Faut pas aller le voir pour voir un grand film ou un grand scénario ou quelque chose qui va vous chambouler la tête, c'est pas la peine, hein. Tu mettrais une note quand même ou... Bon, je mettrais quand même un 2,5 sur 5, hein, À deux et juste la demi? moyenne. Faut que je mette un parce que pff, franchement, ça m'inspire pas trop. Donc Moi, je 1 peux sur pas mettre 5. un s'il est quand même meilleur que Star Wars qu'on avait mis Ouais, avant. mais Star Wars, on a mis 0 aussi. Hein. 0,5, je crois même. Non, sinon, ouais, bon, c'est comme on a dit, hein, c'était une note. Note vraiment basse, quoi. Ouais, moyenne. Pour moi, c'est dans la moyenne. Ouais. Bah tu vois, on va faire un film qu'on n'a pas dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà, on termine sur ces belles paroles. Vous vous appelez? Lara. Nom de famille? Croft. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.